Tous les Coréens ont salué la nouvelle année 106 du Chuseok 2017. Le jour de l'an, les militaires, les travailleurs, les jeunes et enfants se sont rendus au palais du soleil de Kumsusan, sanctuaire suprême du Chuseok, où se trouvent les corps embaumés du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, pour leur rendre hommage. Dans le parc de la place, ils se sont inclinés devant leurs portraits souriants. Par ailleurs, le concert de l'Orchestre symphonique d'État s'est tenu au Théâtre Moranbong, la suite de danse de la troupe d'art nationale Mon Pays d'Or au Théâtre d'art Ponghwang, ainsi que les spectacles dans la capitale et les provinces. À l'occasion de la nouvelle année, les enfants de toutes les provinces ont donné le réveillon, surtout dans le Grand Théâtre de Hamun, le Théâtre d'art de la province du Hangye du Sud et le Palais des enfants Peome Tsulikil. Divers endroits de la capitale, notamment la place Kim Il-sung, les villes de Hamun, Gangae, Saliwon et Kaesong, ont abrité les jeux folkloriques des enfants à la joie du public. Les restaurants dans tout le pays, notamment Ongnyu, Chongnyu et Sinon à Hamun, ont été achalandés. Les habitants, les jeunes élèves ont échangé les salutations de Nouvel An avec leurs maîtres, aînés, voisins, proches et amis.